pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi. » Fin du cinquième acte, fin du Cid de Corneille. Didascalie et Chimène, lu par Ezoa. Elvire, lu par Nadia. Tonia Urac, infante de Castille, lu par Nadine Eckert-Boulet. Léonore, gouvernante de l'infante, lu par Elizabeth Clatt. Un page de l'infante, lu par Christian. Don Gomez, lu par Buenavista. Don Diego, lu par Aldor. Don Rodrigue, lu par Stanley. Don Arias, lu par Daniel Mewton. Don Fernand, lu par Cébès. Don Sanche, lu par Herman Roskams. Don Alonso, gentilhomme castillan, lu par Rimbaud.